Le parcours d'une entreprise est une aventure. Parfois, tous les problèmes semblent vous tomber dessus en même temps. Pour surmonter ces difficultés, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés qui vous guide, comme les conseillers Dell Technologies. Ils vous donnent tous les conseils pour vous aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés et arriver là où vous voulez aller en toute sécurité. Ah, contactez un conseiller Dell maintenant au 0801 800 001. Dell Technologies recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La loi du 9 octobre 1981 proclame l'abolition de la peine de mort. Son article premier est simple, clair, précis, la peine de mort est abolie. Cette abolition est l'œuvre d'un homme, Robert Badinter. Mais les individus n'agissent jamais seuls, ils sont inspirés, entourés, accompagnés. C'est un moment de notre histoire aussi, mais comme toujours, il s'inscrit dans le temps long, celui des combats contre la peine capitale. Romain Icard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez réalisé le documentaire Robert Badinter, La vie avant tout, diffusé sur France 3. Comment s'empare-t-on d'un tel sujet? Comment avez-vous procédé en fait? Parce que les sources sont nombreuses, il y a la parole de Robert Badinter, il y a énormément de choses. La première chose qui m'est venue à l'idée, évidemment, c'est de le contacter lui. Et la première chose qu'il m'a dite, très rapidement du moins, c'est que la... On se rappelait du combat politique, du combat moral, mais jamais du combat presque physique qu'il a eu à mener. Et c'est de cela dont il voulait qu'on parle, et je me suis dit que c'était quelque chose d'assez intéressant. L'abolition et le combat pour l'abolition de la peine de mort, c'était un combat physique surtout pour lui et sa famille. Et c'est de ça dont j'ai voulu m'emparer, et en le faisant, on plonge dans l'homme et on comprend un peu mieux son moteur. Oui, parce que dans ce documentaire, justement, il y a cette mise en perspective sur la vie même de Robert Badinter. Écoutez, Romain Icard, en regardant le documentaire, je me disais que vous vous posiez une question, mais qu'on peut tous se poser, pourquoi lui, pourquoi ce combat? J'ai l'impression que vous avez tiré ce fil-là. J'ai tiré ce fil-là parce que rien ne le prédisposait, si ce n'est son éthique, sa morale, sa droiture, mais encore faut-il les avoir, ces qualités-là. Rien ne le prédisposait. Il a un cabinet où le tout Paris se presse, un cabinet d'avocats. Il a une situation absolument parfaite. Il est aisé, on lui reprochera plus tard. Rien ne le prédispose. Et pourtant, il va se jeter dans l'arène, et pourtant, il va défendre des hommes que personne ne veut défendre, et il va y laisser des plumes, parce que sa vie pendant 15 années va être une horreur. Rien ne le prédispose. Et c'est ça qui m'a motivé. Oui, parce que l'histoire d'un mouvement, parce que là, c'est quelque chose, l'abolitionnisme qui s'inscrit sur un temps plus long, nous fait focaliser sur des personnages. Mais c'est vrai que la narration est toujours plus simple avec des personnages, et quand ils sont sublimes comme Robert Badinter, c'est vrai que c'est quelque chose qui se construit. Mais avec nous également dans le cours de l'histoire, Nicolas Picard, bonjour. Bonjour. Nicolas Picard, vous avez travaillé, vous, sur l'application de la peine de mort en France de 1906 à 1981. Oui, parce qu'après, il n'y a plus rien. Nicolas Picard, nous parlons d'un homme, Robert Badinter. Nous parlons des abolitionnistes. Et c'est vrai que là, dans le cours de l'histoire, aujourd'hui, nous allons citer des noms, mais les auditeurs, les auditrices les connaissent déjà. Il va y avoir Hugo, il y en aura d'autres. Ces abolitionnistes, en fait, sont-ils vraiment connus hors de ces grands noms? Alors, il y a beaucoup d'abolitionnistes qui ne sont pas connus, des abolitionnistes anonymes qui vont s'engager dans des associations qui sont beaucoup plus restreintes. Alors, il est vrai que dans la première moitié du XXe siècle, alors notamment dans les années 1950, ceux qui s'engagent dans l'association contre la peine de mort, dans la Ligue pour l'abolition de la peine de mort, font plutôt partie des élites. Donc, ça va être des grandes personnalités religieuses, notamment des grands avocats, des académiciens, des écrivains, donc des figures du monde intellectuel, mais c'est vrai que c'est davantage dans les années 60 et 70 que va se développer un militantisme plus populaire, pourrait-on dire, en tout cas plus centré sur les classes moyennes, avec des associations comme par exemple Amnesty International, bien sûr, mais aussi la Ligue des droits de l'homme qui va également s'emparer de ce sujet, également chez les chrétiens, l'action pour ACAT, donc l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui va également faire de la peine de mort un de ses chevaux de bataille. Mais en fait, la question de la peine de mort ne fait pas toujours consensus. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'association ACAT, ça fait débat de savoir si, à côté de l'abolition de la torture, il faut également faire campagne pour l'abolition de la peine de mort. Tous les militants ne sont pas sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Oui, c'est ça qui est intéressant, de décrypter en fait ces mouvements sur le temps long et puis ces engagements des uns des autres. Et quand nous évoquons l'idée de mouvement, Romain Icard, dans votre documentaire, vous avez laissé la parole à ceux qui sont autour de Robert Badinter. Oui. Robert Badinter lui-même ne cherche pas du tout à se mettre en avant cette histoire-là, jamais, jamais. Mais vous avez vraiment donné la parole à ceux qui sont autour. Ben, ceux qui sont autour, parce qu'effectivement, ça tombe sur Robert Badinter et c'est à lui de mener le débat sur l'abolition, mais évidemment qui s'inscrit dans un temps long, dans un temps très long, les Victor Hugo, les Aristide Briand, et on peut en passer beaucoup. Et il n'est pas seul. Dans son cabinet d'avocat, il a des confrères qui vont travailler avec lui, d'autres beaucoup plus anonymes, effectivement, en province, qui vont au charbon, comme on dit, et pour qui ça n'est pas simple, parce que eux, tous les jours, ils doivent se retrouver avec une population locale à qui ils doivent expliquer pourquoi on défend un homme qui a pu faire les choses les plus abominables. Donc tous ceux qui sont autour de lui, sa femme, qui va le soutenir, sans jamais s'immiscer, en tout cas pas au premier plan, mais qui sera toujours là pour le soutenir, et puis ses amis politiques, qui eux, ont une conviction politique et la mènent à bout. Et puis il y a cette longue histoire qu'il faut retracer, cette histoire de la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Alors effectivement, nous pourrions tirer très loin le fil, nous pourrions nous situer au XVIIIe siècle, sous la Révolution, nous pourrions vraiment développer les choses. Mais non, c'est sous la Seconde République que nous allons, et là précisément en 1849. Et nous reportons le 14 septembre 1848 à l'Assemblée nationale, le programme à l'ordre du jour, et pour ou contre la peine de mort. Le citoyen Victor Hugo a la parole. Vous venez de consacrer l'inviolabilité du domicile. Nous vous demandons de consacrer une inviolabilité plus haute et plus sainte encore, l'inviolabilité de la vie humaine. L'adoucissement de la pénalité est un grand et sérieux progrès. Le XVIIIe siècle, c'est là une partie de sa gloire, a aboli la torture. Le XIXe siècle abolira certainement la peine de mort. Vous écrivez en tête du préambule de votre Constitution en présence de Dieu, et vous commenceriez par lui dérober à ce Dieu ce droit qui n'appartient qu'à lui, le droit de vie et de mort. Messieurs, il y a trois choses qui sont à Dieu et qui n'appartiennent pas à l'homme, l'irrévocable, l'irréparable et l'indissoluble. En 1848, Victor Hugo défend l'abolition de la peine de mort. Dites-nous, Nicolas Picard, effectivement, toujours dans cette idée qui sont ces abolitionnistes, nous avons ces noms, Victor Hugo, leur influence est-elle si forte que cela ? Oui, quand même. C'est-à-dire que les avocats, notamment dans les cours d'assises, font référence aux grands auteurs, et donc notamment à Victor Hugo, ils font référence à ces images. Donc oui, ça a quand même une influence certaine sur la population. Le dernier jour d'un condamné à mort est un ouvrage qui est particulièrement diffusé, qui est maintes fois réédité. Donc oui, les intellectuels ont une influence, c'est certain. Néanmoins, c'est vrai que lorsque l'on observe l'évolution de l'opinion publique, alors notamment pour la dernière partie de la période, on voit que dans les années 50, le nombre des exécutions et le nombre des condamnations chutent. C'est à la même époque que l'on va avoir beaucoup d'œuvres abolitionnistes qui vont être produites, donc par exemple le film d'André Cayatte, Nous sommes tous des assassins, la pièce de Marcel Aimé, La tête des autres, les ouvrages d'Albert Camus. Mais en fait, ce que l'on observe, c'est que ces œuvres paraissent en même temps que les condamnations baissent, comme si c'était, il y avait une conjonction, un accord entre ce que pensent les élites et ce que pense la population à ce moment-là. Et donc, c'est pas forcément quelque chose qui viendrait des élites et qui se diffuserait dans la masse de la population. C'est quelque chose qui est assez conjoint, en réalité. Nicolas Picard, vous êtes docteur en histoire, agrégé. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le châtiment suprême, l'application de la peine de mort en France 1906-1980 ». C'est issu de votre thèse, dirigée par Dominique Khalifa. Mais oui, les élites, à certains moments, et nous le comprenons très bien, Hugo, dans les années 1840 et même après, et où Camus dans les années 1950, eh bien, sont en adéquation avec une forme d'adhésion de la population à l'idée que l'abolition serait possible. Et pourtant, il y a une forme d'élite qui n'adhèrent pas à cela, parce que factuellement la peine de mort reste là. Effectivement. Alors, ce sont principalement les élites politiques hein, qui ne veulent pas de l'abolition de la peine de mort. Qui prennent souvent pour prétexte le fait que la population ne les suivrait pas. C'est-à-dire que, en gros, ils maintiennent la peine de mort à leur corps défendant en prenant pour prétexte le fait que la population ne les suivrait pas, ce qui n'est pas du tout, ce qui n'est qu'une hypothèse. Hein. Alors on peut penser qu'effectivement il y avait un assez large consensus dans la population, mais néanmoins ça reflète souvent leurs propres présupposés, leurs propres préjugés sur ce que pense le peuple et pas forcément ce que pense le peuple lui-même, parce que on voit dans cette population, alors c'est assez ténu, mais des marques de pitié vis-à-vis des condamnés. Donc, par exemple, certains condamnés qui reçoivent des cadeaux à la prison pour les aider à garder le moral pendant cette période. Il ne faudrait pas voir l'idée qui est souvent répandue qu'il y aurait des élites éclairées qui auraient voulu l'abolition et qui auraient freiné devant une masse populaire qui, elle, souhaitait la peine de mort. Souvent, c'est beaucoup un prétexte qui est pris pour garder la peine de mort. Notamment la peur du lynchage, c'est-à-dire que les élites françaises ont peut-être été, enfin c'est l'une de mes hypothèses, ont peut-être été traumatisées par les massacres de septembre 1792, où la population avait largement débordé le gouvernement pour massacrer les prisonniers. Et donc, souvent, ce qui revient, c'est, oui, si on abolit la peine de mort, on risque que la population se fasse justice elle-même. Et donc, cette peur du lynchage, alors qu'en France, en fait, on a très peu de cas de lynchage. Hein, la seule période où, au XXe siècle, en tout cas, c'est l'épuration. Mais sinon, il y a très peu de cas de lynchage avéré pendant tout le XXe siècle. Il est passionnant, en fait, ce rapport entre la volonté de certains individus, hommes, femmes, qui luttent pour l'abolition de la peine de mort, les intellectuels, ceux qui pensent, et puis aussi, eh bien, ce mouvement populaire, cet air du temps, cette opinion. Romain Icard, c'est ça aussi, cette violence qui est évoquée dans votre documentaire et qu'a dû subir Robert Badinter. Oui, il y a une histoire notamment dont on ne se rappelle pas très bien, c'est l'histoire des détenus de Clairvaux. À cette époque-là, et pour prolonger ce que vous dites, effectivement, la population dans les sondages, la population française est plutôt assez sensiblement favorable à l'abolition de la peine de mort. On est dans un processus après mai 68, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, cette affaire de Clairvaux, deux détenus tuent une infirmière et un gardien dans des conditions assez difficiles. Et là, il y a une bascule dans la population, les journaux s'emparent du fait divers de manière parfois un peu discutable. Et c'est vrai que là, Robert Badinter rentre dans cette arène à ce moment-là, et cette histoire, elle est, à l'époque, emblématique de tout ce que le politique et de tout ce que le média peut embarquer avec lui, charrier avec lui de pensée, on va dire, réactionnaire, et va effectivement faire qu'il y ait une bascule populaire. Et là, pour le coup, c'est vraiment dans ce sens inverse, puisque les sondages avant étaient favorables à l'abolition. Et là, soudainement, les sondages redeviennent défavorables à l'abolition. Et c'est dans ce contexte-là qu'il rentre dans l'arène, Robert Badinter, avec ses alliés, et que ça va devenir extrêmement violent à tout point de vue. En 1972, c'est l'affaire Bontemps. Et bien justement, un extrait de votre documentaire, Robert Badinter, La vie avant tout. Il y avait un monde fou dans la rue de la Santé. Puis un nombre considérable de journalistes. Il faisait froid. J'entrais le premier. Et là, j'ai vu la guillotine dans la cour de la Santé. Et je ne m'attendais pas à la voir, bizarrement. Il y avait les magistrats qui étaient là, directeur de la santé, et je l'ai dit, ils avaient tous et moi aussi des gueules d'assassins. On l'a attendu un peu. Pleuvait, je me souviens, et voilà. Et Robert est arrivé tout seul. Il n'a pas dit un mot. Pas un mot. Il est monté dans la voiture. Et j'avais pas non plus envie de le questionner. Bon, c'était comme ça. C'était C'était rude. Robert Badinter, La vie avant tout, le documentaire sur France 3. Romain Icard, vous nous avez dit que, ben, par exemple, au moment de cette affaire, l'affaire Montand 1972, il y a des discussions dans la presse. C'est une chose. Il y a les sondages aussi, favorables ou non favorables à l'opinion. Il y a ces témoignages. Et là, justement, c'est le même événement vu par deux regards. Tout à fait. Et on voit bien que y a les mots et puis il y a les faits. Et que de se retrouver face à une guillotine, face à un homme coupé en deux, parce que c'est le terme qu'emploie Robert Badinter, bah c'est autre chose. Et d'ailleurs, dans le film, à un moment, on utilise une image qui est restée assez célèbre aussi, c'est l'image de l'exécution d'Eugène Weidmann en 1939 à Versailles, qui est la dernière pour laquelle il existe des images filmées, exécution publique, et que de voir ces images d'un homme arriver debout et se faire couper en deux, se faire couper la tête, bah c'est vrai que soudainement, on comprend. En tout cas, on peut comprendre que pour une personne qui a vécu ça, comme Robert Badinter en l'occurrence, on se dise, partant du principe que je suis avocat pénaliste, je ne veux plus avoir à vivre ça. Et je crois que, voilà, je pense que là, évidemment, il y a un moteur très fort pour lui et qui s'explique parfaitement parce que c'est d'une violence inouïe, finalement. Et dans l'extrait du documentaire que nous venons d'entendre, il y a cette voix de femme qui est un autre regard. Qui est un autre regard, qui est un regard en creux, qui est un regard évidemment bienveillant, mais qui est un regard aussi évidemment d'une pertinence absolue et qui permet de comprendre la souffrance de celui qui ne veut pas la dire, parce que Robert Badinter est ainsi fait qu'il ne s'exprime pas sur ses sentiments personnels. Elisabeth Badinter est aussi assez précautionneuse à ce sujet-là, mais néanmoins, on comprend, ne serait-ce que dans la manière dont elle raconte les choses, combien ça a été dur pour eux, combien ça a été violent et combien ça a été long, parce que ce combat a duré plus d'une décennie et c'est long dans une vie. Justement, dans ce petit extrait, enfin, cet extrait du documentaire, mais surtout dans ce que dit Robert Badinter, il y a cette expression, avoir une gueule d'assassin. Nous avions tous une gueule d'assassin. Nicolas Picard, évidemment, Badinter fait consciemment, sans doute, ou peut-être pas d'ailleurs, mais peu importe si sans doute consciemment, référence au film d'André Cayatte en 1952. C'est un écho au passé qui est intéressant parce que dans ce long combat, ce n'est pas à chaque fois quelqu'un qui se relève seul et qui part pour l'abolition. Il est héritier de tout ce qui s'est passé avant. Alors oui, il y a pas mal d'œuvres qui sont mobilisées. Voilà, donc Nous sommes tous des assassins d'André Cayatte. C'est le grand film abolitionniste du début des années 1950. D'ailleurs, l'un des premiers films abolitionnistes, je pense, qui a connu un certain succès à son époque, mais qui n'a pas vraiment. Enfin, qui n'a pas vraiment modifié complètement l'opinion publique. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont été émus, mais n'ont pas pour autant forcément modifié leur opinion sur le sujet. Alors, il faut quand même reconnaître à Robert Badinter le fait d'avoir vraiment porté ce combat dans l'arène médiatique pratiquement seul, hein, parce que, enfin, pratiquement seul. En tout cas, en se mettant vraiment en avant et en danger, par conséquent, parce qu'il est vrai qu'il y avait d'autres avocats qui combattaient la peine de mort dans les prétoires, mais assez peu ont eu une même surface médiatique et ont été autant pris à partie par les opposants, par ceux qui voulaient garder la peine de mort et qui voyaient là-dedans une simple sensiblerie ou voire même un amour des criminels, parce que c'est ça que l'on reproche souvent aux abolitionnistes, c'est que finalement on plaindrait davantage les criminels que les victimes, ce qui n'est pas du tout le cas de Robert Badinter, hein, notamment dans son témoignage, dans les mémoires qu'il a laissées, lorsqu'il décrit le procès de Patrick Henry, et qu'il décrit notamment la peine du grand-père de la victime de Patrick Henry, il dit oui, on ne peut que le comprendre, évidemment, cet homme veut la mort de mon client, je ne peux que le comprendre. Donc ce n'est pas du tout un amour des criminels contre les victimes, bien sûr, mais un principe avant tout qui est défendu par Robert Badinter dans ce combat abolitionniste. Un principe qui est défendu et qu'il faut saisir, comprendre. Romain Icard, d'ailleurs, nous l'évoquions, vous retracez sa vie, mais dès son enfance, et c'est ça qui est fascinant de voir, en fait, la construction de la pensée d'un homme et des positionnements, des choix politiques. Pourquoi aller si loin? C'était essentiel. Alors, quand on voit votre documentaire, oui, on sent que c'est essentiel. Je crois que c'est essentiel pour lui, en tout cas, oui, ça c'est sûr. Et on n'est jamais que le produit de son histoire. Et la sienne est particulièrement forte, lourde, puisqu'il naît au début du XXe siècle et qu'il a à vivre ce XXe siècle dans notre pays. Et il y a quand même des périodes assez compliquées. Et puis c'est aussi une éducation. Il vient d'une famille qui a choisi la France, une famille qui a choisi la France pour sa République, pour ses grands auteurs, pour Victor Hugo, pour ses pensées, pour ses lumières, et qui considère que, en tout cas lui va considérer adulte, que la mort donnée à un autre ne peut pas être compatible avec ce qu'on lui a enseigné de la République, ce qu'on lui a enseigné de ses valeurs, des Lumières, et que donc il faut les combattre. Et puis, plus personnellement, effectivement, il va se retrouver à l'adolescence, donc à un âge constitutif par essence, confronté à la mort de celui qu'il aime peut-être le plus au monde avec sa mère et son frère, c'est son père. Et de manière extrêmement violente, arrestation pendant une rafle de la rue Sainte-Catherine en 43 à Lyon, par Klaus Barbie et ses séides. Et ça, c'est vrai que je crois que c'est extrêmement constitutif du combat politique, et je ne parle pas de l'intime, l'intime le regarde et il l'a gardé pour lui toute sa vie, et c'est pas moi qui vais m'immiscer dedans, mais je crois profondément que c'est quelque chose d'extrêmement important dans le combat qu'il va mener par la suite. Justement, dans l'échange qui se crée avec Robert Badinter au moment de construire quelque chose comme ça, nous connaissons l'homme parce que nous le voyons, il y a son ouvrage, L'Abolition, enfin, il raconte tout ce qu'il a pu faire, comment il s'est construit. À quel moment sentez-vous, Robert Badinter, mettre la limite, se dire ici, on sent hein, dans le documentaire quand il parle, et c'est un avocat, il maîtrise toute sa parole, mais parfois il frôle là où il voudrait ne pas aller, c'est-à-dire l'intime. Ben, je crois que c'est dans les prétoires où il se fait rattraper. Et que parce que sauver un homme, même quand c'est Patrick Henry, pour revenir à ce que vous disiez, qu'il n'aime pas beaucoup, je crois, à ce moment-là, enfin, qu'il n'aime pas du tout, il faut jeter ses tripes, il faut y aller avec les tripes pour sauver un homme que la France est et que la France a déjà jugé, parce que les médias, parce qu'il a reconnu les faits. Donc la question n'est pas de savoir si l'homme est coupable ou innocent, la question est de savoir comment on le sauve de la guillotine. Et pour ça, je crois qu'il faut, bah, il faut y aller corps et âme, ce qu'il fait, à plusieurs reprises, dans plusieurs salles d'audience. Et là, effectivement, à chaque fois, et c'est ce que dira d'ailleurs son confrère François Binet, qui est devenu un ami ensuite, là, on sent qu'à chaque fois, il va puiser dans l'enfance, il va puiser dans l'adolescence, dans celle du bourreau, mais dans la sienne aussi. Et là, il flirte avec ce moment où l'intime peut se révéler pour qui peut comprendre les clés du personnage. Et justement, nous sentons que Robert Badinter construit son existence avec des éléments de sa vie professionnelle qui lui permettent peu à peu de construire son argumentation. Vous avez parlé de ce moment dans les prétoires qui était si fort. Et évidemment, en septembre 1981, à l'Assemblée, Robert Badinter prend la parole. Et là encore, il évoque sa vie, son expérience et notamment Patrick Henry. Seul pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Et puisque vous avez prononcé tout à l'heure le nom de deux condamnés à mort et de deux exécutés, je vous dirai pourquoi, est-ce que plus qu'aucun autre, je sais qu'il n'y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive. Sachez bien que dans la foule qui à Troyes criait au passage de Buffet et de Bontemps autour du palais de justice, « À mort Buffet, à mort Bontemps !» se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction, quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier la valeur dissuasive de la peine de mort. Robert Badinter, à l'Assemblée nationale, le 17 septembre 1981. Romain Icard, bien sûr, un avocat est un peu un comédien. Mais nous sentons avec Robert Badinter, dans des moments comme ça, qu'il y a, et c'est sans doute aussi ce qui explique le succès politique, médiatique également, enfin, ou en tout cas d'estime de la population auprès de cet homme, c'est qu'il est vrai. Ah, il fait pas semblant. Oui. Ça n'est pas un politique. C'est un avocat, donc il sait parler, et c'est peut-être aussi un peu un comédien, parce que c'est un avocat, et que ça fait partie de leur métier, je crois. Mais ça n'est pas un politique, en ce sens que cette idée, il l'a chevillée au corps. Il ne veut pas que la France tue. Il ne veut pas que la France se mette au niveau de ceux qu'elle dénonce comme des barbares. Et c'est tout à son honneur. Et effectivement, quand il plaide, que ce soit dans les prétoires ou quand il plaide à l'Assemblée, même s'il n'aime pas qu'on dise qu'il a plaidé à l'Assemblée, il n'a pas plaidé à l'Assemblée, il a débattu. Oui, on sent que c'est vraiment au plus profond de lui. Cette valeur humaine, la vie avant tout. Mais d'où le titre de mon documentaire, la vie avant tout, la vie vaut avant tout. La vie avant tout, avec des arguments à construire en 1980. Alors, c'est sûr qu'il bénéficie de plein d'arguments. Nous l'avons évoqué, il y a des siècles et des siècles de pensées. Dites-nous justement, Nicolas Picard, dans cette étude sur le temps long de la peine de mort, retrouve-t-on toujours les mêmes arguments pour l'abolition ou bien évolue-t-il selon les contextes ? Alors, ça évolue selon les contextes. On retrouve quand même certaines constantes. Hein. En gros, depuis l'ouvrage de Beccaria au XVIIIe siècle, des délits et des peines, il y a quand même l'idée que la peine de mort ne sert à rien. Donc, d'un point de vue utilitariste, on peut s'en passer, en fait. Mais après, oui, ça s'adapte aux périodes. Et alors, notamment aux guerres. Donc, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une très forte réaction en faveur des droits de l'homme, hein, des droits humains. C'est en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est là qu'on voit également un renouveau de l'abolitionnisme qui est en partie lié au rejet du totalitarisme. C'est-à-dire que beaucoup de penseurs vont considérer que, quelque part, la peine de mort, c'est le premier pas vers une forme de totalitarisme, puisque cela permet à l'État de décider de la vie d'un individu. Alors, certes, peut-être criminel, mais quand même de décider de la vie d'un individu. Donc, ce serait le premier pas dans l'engrenage du totalitarisme. Donc, une partie de l'abolitionnisme de l'après-Seconde Guerre mondiale est liée au rejet des horreurs qui ont eu lieu. Après, il y a d'autres facteurs. Il y a aussi les progrès de la criminologie, de la médecine, des expertises médicales, qui vont considérer que certains actes criminels sont plutôt dus à des pathologies qu'à une libre volonté, on va dire, et que par conséquent, il faut traiter les grands criminels comme des malades et pas forcément comme des coupables. Voilà, donc il y a cela. Il y a aussi parfois la prise en compte d'autres événements, et y compris d'ailleurs de la parole de certaines victimes qui disent qu'elles ne souhaitent pas forcément que le coupable soit exécuté. D'ailleurs, Badinter en est lui-même un exemple, hein, puisque Klaus Barbie sera jugé après l'abolition de la peine de mort, et donc on ne pourra pas lui appliquer. Voilà, c'est alors que c'est Klaus Barbie est responsable de la mort de son propre père. Justement, dans l'idée de contexte, d'évolution, d'argumentation qui peuvent varier, Robert Badinter bénéficie de quelque chose que ne bénéficiaient pas ses prédécesseurs qui réfléchissent à la peine de mort, ce sont les exemples internationaux. Parce que là, Badinter, nous sommes donc dans les années 70 et jusqu'en 1981, il peut s'appuyer sur ce qui se passe ailleurs en Europe. Oui, tous les autres pays d'Europe occidentale ont aboli la peine de mort. Alors, à l'exception de la Belgique, hein, mais la Belgique pratiquant un moratoire depuis 1863. Et de l'Espagne, je crois. Et l'Espagne en 1977, donc un peu avant la France. Donc oui, en 1980, on est le dernier pays d'Europe occidentale. Alors évidemment, les pays d'Europe de l'Est, à cette époque-là, c'est différent. Et les institutions européennes, donc le Conseil de l'Europe, commencent à faire pression sur la France pour qu'elle abolisse la peine de mort. Par ailleurs, se posent aussi des problèmes de coopération judiciaire, c'est-à-dire que certains pays vont refuser d'extrader vers la France, puisque la France applique la peine de mort. En 1981, abolition de la peine de mort en France. 1981 est une date importante, parce que la peine de mort faisait auparavant partie des possibles d'une existence. Et d'ailleurs, tout le monde, hein, vous, moi, n'importe qui, on ne sait pas ce qu'est l'existence, pouvait être condamné à mort, et dès lors les œuvres des artistes s'en saisissaient. Michel Polnareff. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Je serai pendu demain matin, ma vie. vie n'était pas faite pour les châteaux. Tout est arrivé ce soir de juin, on donnait une fête dans le château. Dans le château de Laz, le plus grand bal de Londres, Lord et Lady de Laz recevaient le grand monde, diamants, rubis, topazes et blanches robes longues cachées dans le jardin. Moi je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé. Je serai pendu demain au jour, dommage pour la fille de ce château. Car je crois qu'elle aime bien l'amour que l'on faisait tranquille loin du château. Dans le château de Laz, pour les 20 ans de Jane, Lord et Lady de Laz avaient reçu la reine. Moi le fou que l'on toise, moi je crevais de haine, caché dans le jardin. Moi je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé. Le bal de Laz, Michel Polnareff, en 1968, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Félix Delacour. Le cours de l'histoire qui s'intéresse à l'abolition de la peine capitale, histoire d'un combat. Histoire d'un combat qui a des jalons, qui a des moments. Nicolas Picard, dans votre travail sur l'application de la peine de mort, donc le châtiment suprême, vous commencez en 1906, puisque vous terminez en 1980, et ça on voit très bien 1980. Mais alors 1906, pourquoi ? Parce que c'est le dernier grand débat parlementaire avant 1981, c'est-à-dire que la nouvelle chambre qui a été élue en 1906, qui a dominé par les radicaux, avec le gouvernement Clémenceau, veut abolir la peine de mort, et visiblement tout y concourt. Hein. Le président Armand Falière, qui vient également d'être élu à ce moment-là, décide donc de pratiquer un moratoire, c'est-à-dire qu'il ne veut pas exécuter des gens alors qu'il pense que quelques mois plus tard, l'abolition va être votée. Sauf que le débat s'éternise un peu. Hein. Certains veulent l'accélérer d'ailleurs en coupant les crédits du bourreau pour aller plus vite. Voilà, pendant ces deux années, 1906-1908, puisqu'il faut 2 ans pour que la loi soit préparée, il va se passer pas mal de choses, et notamment au niveau médiatique, c'est-à-dire que les journaux, les quotidiens une partie de la presse va faire campagne pour garder la peine de mort, en utilisant notamment un fait divers, l'affaire Soleillant, donc l'affaire d'un assassin violeur d'enfants qui fait capoter, qui fait reculer les députés de la majorité radicale. Eh bien, lisons tout simplement la presse, mais la presse est le titre du journal, le journal La Presse, le 15 septembre 1907. L'affaire Soleillant, manifestation contre la grâce. C'est par notre journal que les Parisiens ont appris hier soir que M. Falière avait décidé de signer la grâce de Soleillant. Cette nouvelle a causé dans tous les milieux une émotion profonde. Bien que la mesure présidentielle fût annoncée depuis plusieurs jours et considérée comme certaine par tous ceux qui étaient au courant des bruits en circulation dans les milieux officiels, on voulait espérer que M. Falière reculerait devant un tel acte de clémence constituant un véritable défi à l'opinion publique. C'est par des cris de colère et d'indignation qu'a été accueillie la nouvelle dans les quartiers populaires, aussi bien que dans les quartiers mondains ou commerçants. Par contre, la grâce de Soleillant a plongé dans l'allégresse tous les apaches qui infestent Paris, menacent la sécurité des passants commettent chaque jour d'ignobles exploits et traitent la capitale de la France en ville conquise, où ils ont la certitude de pouvoir désormais piller, voler, assassiner, violenter les femmes et les fillettes en toute quiétude. La presse, 15 septembre 1907. L'affaire Soleil en présenté sur France Culture, c'était en 2017, une lecture de ce journal de 1907, Nicolas Picard. C'est déjà très étonnant de se dire qu'au début du XXe siècle, eh bien, les élites politiques acceptaient l'idée de l'abolition et même l'encourageaient. Nous avions jusqu'alors, en évoquant Hugo, notamment parlé de ces élites intellectuelles qui réfléchissaient, même si Hugo est aussi un homme politique. Mais alors là, pourquoi expliquer que, en ce début XXe siècle, il y a eu cette volonté d'abolir la peine de mort? Alors déjà parce que la peine de mort était en déclin constant pendant toute la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'elle devenait vraiment quasiment résiduelle, donc on pouvait passer à une étape suivante. Également parce que la majorité de gauche qui a alors pouvoir se veut la majorité du progrès. Or, dès les origines, dès notamment l'ouvrage de Beccaria, il y a l'idée que la peine de mort c'est lié au progrès. Et ça, c'est également validé par les milieux rétentionnistes, hein, par ceux qui veulent garder la peine de mort. Simplement, ceux qui veulent garder la peine de mort disent oui, plus tard, voilà. Ça s'inscrit dans le déroulement de l'histoire. On arrivera forcément à l'abolition de la peine de mort, sauf que maintenant, c'est pas le moment. Au début du XXe siècle, on est vraiment dans une idée vraiment du progrès triomphant. Hein. En 1900 a lieu la grande exposition universelle qui marque l'entrée dans le XXe siècle et qui marque le triomphe du progrès. La majorité de gauche a triomphé lors de l'affaire Dreyfus, a permis de séparer les églises et l'État. Et donc le nouveau grand chantier serait donc l'abolition de la peine de mort qui compléterait ce programme progressiste et serait un symbole fort de cette marche vers le progrès de la civilisation. Et l'affaire Soleillan, effectivement, cette grâce présidentielle n'est pas acceptée par la population, on va dire. C'est vrai qu'on parle d'opinion publique à ce moment-là. C'est intéressant, Nicolas Picard, hein, de voir comment, en démocratie, il y a effectivement les représentants du peuple qui peuvent réfléchir, décider. Et puis, ben, en 1907, c'est l'opinion publique qui fait changer un peu d'avis certains députés. Alors, l'opinion publique, avec l'aide quand même des journaux, qui eux ne sont pas contrôlés par l'opinion publique, puisqu'en fait pas beaucoup de journaux vont utiliser le débat sur l'abolition de la peine de mort pour, en gros, combattre le parti radical, sans forcément le dire. Mais beaucoup de ces journaux sont en fait tenus par des bourgeois, par des gens plutôt de droite. Et donc, c'est aussi une forme de prétexte, hein, d'exciter cette émotion pour mettre des bâtons dans les roues de Clémenceau, grosso modo. Il est vrai aussi que depuis la fin du XIXe siècle, on est quand même dans une montée du fait divers dans la presse et qui entraîne une crise, ce qu'on peut appeler une crise sécuritaire. Hein. Donc le fait qu'on va réclamer la peine de mort contre les apaches, c'est-à-dire ces bandes de jeunes qui volent, qui tuent, etc. Alors Soleillan lui-même n'est pas vraiment un apache, hein, puisque c'est alors quelqu'un qui est pas très très aisé, mais qui vit tout à fait confortablement, qui est simplement le voisin de la petite fille qu'il a tuée. Ça s'inscrit dans un discours plus général de lutte contre la délinquance, contre la criminalité. C'est intéressant, hein, de voir ce choix politique confronté à l'opinion publique et donc à la presse, parce que comment mesurer cette opinion publique hors des sondages, ça n'existe pas vraiment encore, c'est relayé par la presse. Ce sont des réflexions qu'on va retrouver bien plus tard, en 1980, notamment avec François Mitterrand. Je n'ai pas du tout l'intention de mener ce combat à la face du pays en faisant semblant d'être ce que je ne suis pas. Dans ma conscience profonde, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrage aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois. François Mitterrand dans l'émission Carte sur table. Donc nous sommes avant la présidentielle, il est candidat, nous sommes en pleine campagne, le 16 mars 1981. Ben justement, Nicolas Pierre, c'est très intéressant de voir ces prises de position, c'est-à-dire que l'homme politique doit se positionner par rapport à l'opinion, et Mitterrand a l'intelligence, et puis sans doute l'honnêteté, de dire quelque chose qui en fait lui bénéfique. Oui, parce que comme ça, il passe pour un grand homme d'État qui ne craint pas donc d'affronter l'opinion publique. Donc quelque part, il gagne des points malgré cela, parce qu'il a aussi compris que le citoyen qui est sondé n'est pas tout à fait la même position que le citoyen qui est électeur, pour lequel finalement la question de la peine de mort est relativement secondaire, donc c'est pas là-dessus qu'il va se déterminer, ni même que le citoyen juré qui lui condamne également de moins en moins à la peine de mort. Et donc ce n'est pas tout à fait la même chose de dire qu'on est pour la peine de mort dans un sondage que de voter pour quelqu'un qui souhaite la peine de mort et ensuite même de condamner soi-même à mort dans un jury. Donc il y a toute une échelle de conviction assez variable hein, quand on est voilà. Donc François Mitterrand a l'intelligence d'avoir compris cela et de grandir sa stature en prenant cette position. Et ce qui est pertinent dans cette histoire, dans cette narration, c'est ce qu'on trouve à Romain Icard dans votre film, c'est qu'il y a ce jeu sur le temps long d'une vie, d'un homme, et le jeu sur un temps beaucoup plus court. Nous évoquions Mitterrand qui prend la parole le 16 mars 1981. Ce sont des jalons, il faut décrypter cette histoire, mais ça se passe peut-être pas au jour le jour, mais pas loin. Mais pas loin, et puis c'est vrai que évidemment Carte sur table, moi j'avais vu les archives, et puis après quand on lit, quand on rencontre les gens qui racontent les coulisses, on se rend compte qu'effectivement c'est vraiment au quotidien, par un petit coup de téléphone avant, par un petit échange sibyllin entre le candidat François Mitterrand et son ami Robert Badinter que se trame des choses. Et c'est vrai qu'il y a cette intelligence politique de François Mitterrand à ce moment-là, et il y a aussi une forme de courage, parce que tout intelligent qu'il soit, et ça il y avait assez peu de doutes à ce sujet-là, il fallait avoir le courage de se dire « je vais dire que je suis contre la peine de mort, c'est un risque politique, c'est un risque ». Il gagne à la fin, donc on dit « facile », mais non, quand il le fait, pas facile, parce que c'est un piège, c'est la dernière question de l'émission, le générique a presque débuté, c'est le parfait chausse-trap pour un candidat dans l'émission qui fait et qui défait un peu les candidats. Il y va, il a ce courage, et ça se joue à peu de choses, c'est vrai. Ça se joue à peu de choses, ces choix, mais ces choix, ces prises de parole, ces engagements, tout ce que vous avez rencontré, Romain Icard, autour de cette question, l'abolition de la peine de mort, pour le dire avec une expression un peu toute faite, c'est vraiment le combat de leur vie. On sent que c'est eux, pour Badinter, il y a quelque chose qui, on parlait du quotidien, c'est en eux au quotidien. Alors j'aurais du mal à parler à leur place, mais oui, je crois que ça les habite au quotidien. Néanmoins, et ça rejoint un peu ce que nous disions tout à l'heure, Robert Badinter n'aime pas qu'on le réduise à la peine de mort. Parce que Robert Badinter a aussi fait des choses pour les victimes, des fonds de garantie, des fonds de soutien. Il a modifié le code pénal en profondeur, justement, parce qu'il savait que la question de la victime était importante. Il a modifié aussi notre rapport au monde carcéral, quelque chose qui continue encore aujourd'hui de l'habiter, parce qu'on sait que la France a un sujet sur l'emprisonnement. Donc, ça n'est pas que l'homme de la peine de mort. Ce n'est pas que l'homme de la peine de mort, et c'est vrai que dans ce que je vous demandais, j'aurais dû préciser, dans ces semaines-là, dans ces mois-là, donc de septembre 80 et même avant, on sent que c'est le combat, ils disent c'est là, c'est le moment. Oui, là ils savent pertinemment que si ça ne passe pas là, ça va être compliqué. Parce que là, il y a un alignement des planètes. Il y aura une majorité, a priori, à l'Assemblée nationale. Le Sénat, il y aura un combat qui sera pas tant sur le fait de savoir s'ils vont valider l'abolition de la peine de mort que de chercher à avoir une politique de substitution, c'est-à-dire une vraie perpétuité ou des choses comme ça. Le débat, il est là-dessus. Mais il y a un alignement des planètes. Et il n'est pas certain qu'il revienne, cet alignement des planètes. Jacques Attali le dit assez bien d'ailleurs. Et puis, en 74, est-ce qu'ils auraient réussi, par exemple, si François Mitterrand avait gagné, aurait-il réussi? Rien n'est moins sûr à faire voter l'abolition de la peine de mort. Donc il y a quelque chose qui est là, effectivement, très prégnant, au quotidien. Il faut l'obtenir. Et ça se joue à peu de choses. Ça se joue à peu de choses, mais ça se joue par une réussite. Et effectivement, c'est quelque chose qui a été suivi à ce moment-là, mais qui, aujourd'hui encore, nous provoque des émotions. Si les députés sont d'accord, et sans doute le seront-ils, puisque les socialistes disposent à l'Assemblée de la majorité absolue, la peine de mort va être abolie et la guillotine envoyée au musée des horreurs. Ce sera la réforme la plus spectaculaire du septennat Mitterrand, et sans doute aussi la plus discutée. Spectaculaire car la France était le dernier pays européen, avec la Turquie, à appliquer la peine de mort. Chez nous, la dernière exécution remonte au 11 septembre 1977. Discutée car l'opinion publique reste globalement favorable à la peine capitale. Au dernier sondage, 54% des Français souhaitaient le maintien de la guillotine. Donc, le débat parlementaire tant attendu sur l'abolition de la peine de mort s'ouvrira le 17 septembre à l'Assemblée nationale, un débat qui va révolutionner le code pénal. Entre maître Robert Badinter, l'avocat qui plaidait contre la guillotine, et Robert Badinter, le ministre, il n'y a pas de différence de vocabulaire, mais toujours les mêmes convictions. Si on fait le bilan du dernier septennat, avec la peine de mort dans nos lois et sa pratique en fait, cela représente très exactement 3 personnes, 3 cas. Cela veut dire que s'il n'y avait pas eu la peine de mort dans le droit français, et si on ne l'avait pas appliquée, serait aujourd'hui vivant dans les prisons de France Christian Ranucci. Un flash sur France Inter le 17 septembre 1980, donc au moment où s'ouvre le débat sur faut-il ou non abolir la peine de mort. D'ailleurs, le faut-il ou non est important. Nicolas Picard, quand on fait de l'histoire, on sait bien qu'il faut se méfier de ce qu'on appelle la téléologie, le pire de tout. C'est-à-dire, on connaît la fin de l'histoire, on sait que la peine de mort est abolie. Donc on a envie d'expliquer l'histoire en disant « mais ça va arriver comme une évidence ». Mais non, si on se place en septembre 1981, ce n'est pas sûr que la peine de mort soit abolie au-delà de la logique de l'élection, de la logique du nombre de députés, de la majorité, etc. Au-delà de ça, ce n'est pas une logique qu'en 1981, la peine de mort soit abolie. C'est le fruit d'un très long combat, mais ces combats ont montré que ben, parfois, on préférait dire on n'abolit pas la peine de mort, mais on ne condamne plus. On n'abolit pas la peine de mort, mais on ne condamne plus ou on n'exécute plus surtout. Voilà, pardon, on n'exécute plus, oui. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu déjà en France une large pratique de la grâce. Alors, j'avais calculé qu'en gros, les 2/3 des condamnés de droit commun, parce que c'est autre chose pour les condamnés politiques, les 2/3 des condamnés de droit commun étaient graciés. Déjà, et donc il y avait aussi donc des projets pour établir des sortes de moratoires, des périodes d'essai, ce qui avait été pratiqué dans d'autres pays, hein, par exemple, ou également des abolitions. Enfin, il y avait aussi des projets pour faire des abolitions, pour revoter au bout de 5-10 ans si l'abolition avait réussi quelque part, s'il n'y avait pas eu une hausse de la criminalité pendant ce temps-là. Or, Robert Badinter, lui, veut une abolition simple et définitive, sans peine de remplacement, voilà, donc que ce soit réglé une fois pour toutes. Et on peut souligner d'ailleurs que 80, c'est pas forcément d'ailleurs la fin de l'histoire pour l'abolition, puisque après il a fallu consolider cette abolition, qui était une simple loi, entre guillemets, qui aurait pu être retournée par une majorité adverse. Hein. Il y a eu plusieurs propositions de loi pour rétablir la peine de mort après 1981, et donc il a fallu consolider, déjà en signant, en faisant voter le protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme interdisant la peine de mort en 1985, avant de constitutionnaliser cette abolition en 2007 seulement, donc par le président Chirac qui avait demandé cette constitutionnalisation. C'est la pertinence que vous dites là, que les abolitionnistes ne disparaissent pas en 1980, parce que il y a tout ce que vous venez d'expliquer, la nécessité de consolider ce qui n'est qu'une loi en fait et qui peut être évoqué. Et puis les combats continuent dans le monde aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler sans cesse. Romain Icard, quand on réalise un documentaire, Robert Badinter, La vie avant tout, donc sur France 3, bien sûr, vous suivez une aventure humaine, vous suivez un destin. Mais pour vous-même, c'est une aventure humaine. Parce que le réalisateur d'un tel film se plonge dans son objet d'étude. En l'occurrence, il y a un homme, Robert Badinter, il y a un sujet, la peine de mort. C'est éprouvant. Alors, rencontrer Robert Badinter n'est pas éprouvant. C'est toujours une satisfaction. C'est éprouvant physiquement parce qu'il faut être à la hauteur du personnage. Mais oui, c'est éprouvant. Après, toute proportion gardée, je ne risquais pas ma tête sur le bio, mais c'est éprouvant parce qu'on se rend compte que c'est complexe. Ça vient de loin, effectivement, comme vous le dites très bien, et que il faut pas dénaturer la nature profonde de ce combat. Et ce combat, il n'est pas le combat que d'un homme, il n'est pas le combat que d'une personnalité aussi importante soit-elle. Et il faut réussir à inscrire un film dans celui d'un combat plus large et dans le personnage qu'on raconte. Donc effectivement, oui, c'est difficile parce que là, c'est l'équilibre subtil du film, de la narration. J'espère y être arrivé. Après... Voilà, je mesure mon épreuve à l'aune de ce que les autres ont pu subir dans cette histoire. J'aime beaucoup hein, ce que vous dites de rencontrer Robert Badinter. Il faut être, alors peut-être pas à la hauteur de l'homme, non, parce qu'on ne peut pas. Non, enfin, écoutez, déjà se tenir bien, et puis pour la réussite du film, non, vous avez réussi, parce que c'est un très beau film. D'ailleurs, c'est toujours étonnant, même en tant que spectateur, hein, de revivre ces moments que l'on connaît, oui. Mais décryptés. Analyser avec plusieurs regards et justement nous parlons beaucoup de Robert Badinter, mais c'est normal parce que c'est lui qui a mené le combat, Nicolas Picard. Il y a aussi tous ces abolitionnistes que nous évoquions, hein, ceux qui sont dans l'ombre, tous ces militants qui pouvaient être autour de lui, mais des militants tout simples, mais qui étaient là. Voilà. Alors, je pense par exemple à des avocats comme Maître Christian Bonenfant du barreau d'Avignon, qui a notamment fait une très belle plaidoirie à Bordeaux devant les élèves de l'École nationale de la magistrature, où il a réussi donc à sauver la tête de son client qui avait été condamné une première fois avant que le procès soit cassé. Voilà, donc des grands avocats comme cela, et également oui des abolitionnistes beaucoup plus encore plus anonymes qui, notamment voilà, avec des associations comme Amnesty, la CAT, etc., vont signer des pétitions, vont envoyer des lettres au président, vont faire tout un travail de fourmi pour demander la grâce des condamnés à mort, pour faire abolir en France, et puis après 81, et également dans les autres pays du monde. Et ça continue bien sûr aujourd'hui. Hein. Il y a toujours des actions de mobilisation, notamment pour sauver certains condamnés américains qui risquent d'être exécutés d'un moment à l'autre. Et puis les abolitionnistes de tous les jours, j'ai envie de dire, hein, ceux qui, lors des repas de famille, vont défendre l'abolition, ceux-là, il faut les citer. Et je pense qu'auditeurs, auditrices de France Culture, il y a beaucoup de moments qui reviennent en tête, les repas de famille avec des tontons rageurs. Ça, tout le monde, je pense, a vécu ça. Merci vivement à tous les deux. Nicolas Picard, Le Châtiment Suprême, l'application de la peine de mort en France de 1906 à 1981. Et merci beaucoup aussi à vous, Romain Icard, pour ce film documentaire Robert Badinter, La vie avant tout, sur France 3. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach. Une émission programmée par Mayouen Guizhou, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.